Chapitre 6e, une visite au médecin. Plusieurs années s'étaient de nouveau écoulées, et les années passent rarement sans amener à leur suite quelques changements. Jane avait 4 enfants. William, l'aîné, avait 13 ans. Le cadet Edgar, 9 ans. Jenny et Frank venaient entre eux. Madame Tate était morte et Francis était devenu le révérend Francis Tate. Par son travail et sa persévérance, il avait achevé ses études et il mourait de faim dans une paroisse de Londres comme son père l'avait fait avant lui. En disant qu'il mourait de faim, nous ne prétendons pas qu'il manquât de pain. Mais lorsque le revenu d'un pasteur ne dépasse pas 100 livres, l'expression que nous avons employée est parfaitement justifiable. Il a faim et soif de choses qu'il ne peut acheter, et il a peine à tenir son rang dans la société. Francis Tate mourrait donc de faim. Les livres qu'il convoitait étaient bien chers pour lui. Les obtenir, c'était tenter l'impossible, et les bibliothèques publiques étaient encore bien rares. Si Francis n'avait pas été doué de l'inconscience délicate et scrupuleuse de son père, il aurait joint l'enseignement à son ministère, mais il sentait que les besoins de sa paroisse réclamaient impérieusement tout son temps. « J'obtiendrai bien un jour une nomination, » se disait-il. Et le révérend Francis Tate travaillait paisiblement en attendant le jour où Dame Fortune songerait à lui. Où donc était Marguerite ? Marguerite avait dit adieu pour toujours à la vieille Angleterre. Son mari, qui n'avait pas obtenu dans sa maison de commerce l'avancement dont il se jugeait digne, avait abandonné sa position et était parti pour les bois du Canada en qualité de colon. Marguerite regrettait-elle son mariage hâtif ? Trouvait-elle que sa brillante éducation, ses goûts et ses habitudes, si peu propres au bonheur domestique, étaient perdus dans ces forêts sauvages ? La musique, le dessin, la littérature, tous ses talents, à quoi lui servaient-ils maintenant ? Il était impossible de mettre en doute que Marguerite ne se trouvait pas dans la sphère qui lui convenait, mais en femme courageuse, jamais elle n'y fit allusion, jamais une plainte ne lui échappa. Elle n'écrivait pas souvent, et d'année en année, ses lettres devinrent plus rares. Robert avait accompagné sa sœur et son beau-frère, et cette vie libre et indépendante paraissait lui plaire beaucoup plus que celle de la banque poussiéreuse. Les leçons de M. Haliburton étaient nombreuses, ses revenus s'étaient augmentés. Il avait été nommé professeur au Collège Royal, mais il n'avait pas réussi à réaliser son vague désir d'entrer à Oxford ou à Cambridge. M. Haliburton avait commencé par le dernier échelon. Il aurait en effet dû aller à l'université avant de se marier. Un homme qui a maison, femme, enfant et domestique a largement de quoi utiliser son argent sans le dépenser dans les études. Peut-être ne le regrettait-il pas, car son foyer domestique lui offrait le bonheur le plus complet. Mais au moment où nous reprenons notre récit, ou plutôt un peu auparavant, M. Haliburton sentit qu'il outrepassait ses forces. Depuis longtemps, il savait qu'il n'était pas robuste. La chaleur le rendait languissant, les froids de l'hiver le faisaient tousser, les vents du printemps tombaient sur sa poitrine. Il ne s'écoutait pas, il reprenait ses travaux, se disant que ses indispositions n'étaient que des bagatelles. Jusqu'à ce qu'un soir, rentrant d'une leçon, à peine assis dans son fauteuil, il s'évanouit. Jane et une des servantes se penchaient sur lui lorsqu'il reprit ses sens. Jane n'était pas allée inquiète. « Ne te tourmente pas, » lui dit-il en souriant. « Je suppose que je me suis endormi. Tu t'es évanoui, Edgar. »« Évanoui ? Que je suis ridicule. » « Il fait si chaud ici, Jane. C'est ce qui m'aura fait mal. » Jane ne se laissa pas tromper. Elle vit qu'il traitait légèrement la chose pour dissiper son inquiétude. Elle lui apporta un verre de vin, il le but, mais il lui fut impossible de rien manger. « Edgar, tu travailles trop. Il y a longtemps que je le vois. Qu'as-tu vu, Jane ? Que tes forces ne correspondent pas à tes travaux. Tu dois renoncer à une partie de tes leçons. Ma chère, comment le puis-je ? Est-ce que tout ce que je gagne n'est pas absorbé par nos dépenses ? Tout compte réglé, nous reste-t-il un franc de trop au bout de l'année ? » C'était vrai, mais la santé de son mari était au-dessus de toute considération. « Nous diminuerons nos dépenses, » dit-elle. « Nous cesserons de vivre comme nous le faisons. Nous irons dans une maison moins spacieuse. Nous ne garderons qu'une petite servante et je me ferai femme de ménage. » Elle riait en parlant, mais M. Haliburton sentit le sérieux percer sous sa gaieté. Il secoua la tête. « Non, Jane, j'espère que ce temps ne viendra jamais. » Il resta éveillé toute la nuit, plongé dans ses réflexions. Savez-vous ce que c'est que ces veilles de la nuit ? Une seule pensée, qui chassait toutes les autres, le préoccupait. « Que deviendront ma femme et mes enfants si je tombe malade et que je meurs ? et à cette question, ils ne pouvaient que répondre. Je n'ai rien mis de côté pour eux. Que deviendront-ils s'il leur suit enlevé ? Monsieur Halliburton avait une excellente habitude qu'il tenait peut-être de sa femme, car Jane la possédait à un haut degré, celle de regarder le chagrin en face. Non pas de gémir et de se lamenter, mais de chercher le meilleur remède au mal, le meilleur moyen d'adoucir le malheur. Il ne possédait ni terrain ni argent à léguer. S'il essayait de mettre de côté une partie de ses appointements, il se passerait bien des années avant qu'il pût économiser 25 000 francs. Non, il n'y fallait pas songer. Le seul moyen qu'il entrevit était celui des assurances sur la vie. Il n'avait pas de secret pour sa femme. Elle était son amie, sa confidente, son conseiller, et il n'avait nulle intention de lui cacher la démarche qu'il allait faire. « Jane, commença-t-il le lendemain à l'heure du déjeuner, sais-tu à quoi j'ai pensé toute la nuit ? À des ennuis, j'en suis sûr, tu étais si agitée. Pas positivement à des ennuis, Jane. » Car il n'aimait pas s'avouer cette inquiétude vague qui pesait sur son cœur. « J'ai plus songé à des précautions qu'à des ennuis. »« Des précautions ?» répéta Jane. « Oui, ma chérie. » Et la chose la plus étonnante, c'est que cette pensée ne me soit jamais venue auparavant. Jane devina ce qu'elle voulait dire. Bien souvent, elle aussi s'était dit, « Si mon mari perd la santé, nous serons sans ressources. » Ce n'était pas à elle qu'elle pensait, c'était à ses enfants. « Cet évanouissement d'hier au soir m'a fait réfléchir, » reprit-il. « La vie est incertaine pour les meilleurs d'entre nous. Elle ne l'est pas plus pour moi que pour d'autres, mais je dois agir comme si elle l'était. Jane, si je mourrais, il ne vous restera rien. » Non, dit-elle simplement. Eh bien, je dois y pourvoir de mon mieux. Je me ferai assurer. Jane ne répondit pas immédiatement. Cela te coûtera bien cher, Edgar. Je le crains, mais il le faut. Qu'as-tu, Jane? Tu n'as pas l'air confiante. Parce que je crains que pour payer les intérêts, il ne te faille travailler autant qu'auparavant. Eh bien, mais naturellement. En tout cas, je réduirai nos dépenses. J'y suis résolu. Puis elle redit d'un ton rêveur. Mais avec ses intérêts annuels, Jane, interrompit-il, il n'y a pas nécessité pour que je ralentisse mes occupations. Je puis ne pas être fort, mais je ne suis pas malade. Quant à réduire notre budget, il le faudra bien, puisque c'est avec ces économies que je payerai les intérêts. Si tu restes en bonne santé, Edgar, c'est sans contredit ce que nous avons de mieux à faire. Cette pensée m'est souvent venue. Pourquoi ne m'en as-tu pas fait part? Je ne sais trop. Je ne voyais pas comment nous ferions pour payer. « Pour quelle somme te feras-tu assurer ? Pour 50 000 francs, je suppose. Pourrions-nous demander plus ?»« Je ne crois pas. Quel serait le taux des intérêts ? Je ne sais pas. Je prendrai des renseignements. Pourquoi soupires-tu, Jane ? Parler d'assurance sur la vie me fait penser à la mort, » murmura-t-elle. « Voyons, Jane, je ne te croyais pas si folle, » dit-il gaiement. « J'ai entendu parler de gens qui ne voulaient pas faire de testament s'imaginant qu'ils en mourraient. Me faire assurer ne me fera pas mourir plus vite. » Je puis vivre assez longtemps pour payer capital et intérêt. Cela vaudra infiniment mieux que de placer l'argent chez un banquier. Jane changea de sujet. « Edgar, je voudrais bien savoir ce que nous ferons de nos garçons. » Les joues de M. Halliburton se colorèrent. « Ils iront à l'université, eux, si Dieu le permet. Oh, je l'espère bien, un ou deux en tout cas. » M. Halliburton n'entrevoyait guère de difficultés dans ce dernier plan. Ses fils achèveraient certainement leurs études, ils réussiraient, ils feraient leur chemin dans le monde. William et Frank suivaient l'école attachée au collège royal dont leur père était professeur. Edgar, connu sous le diminutif de Gar, allait dans une école particulière, mais il entrera bientôt dans celle de ses frères. Les jeunes Halliburton étaient remarquablement avancés pour leur âge. L'éducation paternelle, combinée avec celle du dehors, avait produit les plus heureux effets. Jane ne s'était pas épargnée la peine avec eux. « Ah, mes amis, mères de famille qui me lisez, posez de bonnes conditions dans les premières années de vos enfants. Plus tard, ils vous en béniront. » « Jane, quel serait le meilleur bureau ?» Jane se rappela les noms qui lui étaient le plus familiers. « Le Phénix ? » suggéra-t-elle. M. Halliburton se mit à rire. « C'est un bureau d'assurance contre l'incendie, Jane. Le Soleil, l'Atlas, l'Argus, il y en a tant. » Je prendrai des informations aujourd'hui. Crois-tu que les intérêts se montent à 2 500 francs par an, Edgar? Je le crains. Je voudrais, Jane, m'être fait assurer en me mariant. Les intérêts n'auraient pas été considérables et nous aurions facilement pu les économiser. C'est vrai. Souvent je pense aux choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas faites. Le temps n'est passé. Mais il n'est pas passé pour les assurances, dit M. Haliburton en se levant de table avec gaieté. 8h30, en regardant sa montre. Adieu, Jane. Il se baissa pour l'embrasser. Souhaite-moi bonne chance. Une forte somme et peu d'intérêt, dit Jane en riant. Mais tu n'y vas pas à présent. Non, les bureaux ne sont pas ouverts. J'irai dans le courant de la journée. M. Haliburton partit. Il passa la matinée au Collège Royal, puis se mit en quête d'informations sur les mérites des divers bureaux. Ayant fait son choix, il se dirigea vers une des rues les plus fréquentées de la cité. La salle d'attente du bureau était remplie de clients. Un jeune homme va lui demander ce qu'il désirait. « Je voudrais me faire assurer, » répondit M. Haliburton. « Très bien, monsieur. Monsieur Proctor, voulez-vous venir causer avec monsieur ?» M. Haliburton fut introduit dans une autre pièce où un monsieur à l'air distingué le reçut. Il expliqua le but de sa visite, son âge et la somme pour laquelle il voulait se faire assurer. Toutes les informations qu'il souhaitait lui furent accordées. Puis le monsieur lui remit un papier contenant certaines questions imprimées qu'il devait remplir à loisir et rapporter ensuite. M. Haliburton y jeta un coup d'œil. « Vous demandez un certificat de naissance de l'église où j'ai été baptisé, » remarqua-t-il. « Pourquoi donc je vous ai dit la vérité ?» Le monsieur sourit. « Je n'en doute pas, monsieur, car vous paraissez plus jeune que votre âge. Notre bureau a dû adopter cette règle contre certaines personnes qui n'avaient pas votre franchise. » Il s'est trouvé des cas, monsieur, nous avons appris que l'assuré avait 10 ans de plus qu'il ne l'avait affirmé. C'est pour cela que nous exigeons un certificat. Cependant, quand les demandeurs peuvent amener comme témoins des hommes d'une probité reconnue, nous les dispensons de cette formalité. Monsieur Haliburton passa en revue le cercle de ses connaissances. Personne à Londres ne connaissait exactement son âge. « Ce ne sera pas difficile, » dit-il à haute voix. « Dans 2 ou 3 jours, je recevrai ce certificat. » Mon père était pasteur de l'église où j'étais baptisé. Sera-ce tout alors, remplir ce papier et vous apporter le certificat? Oui, à l'exception d'une visite à notre médecin. Comment? Est-il nécessaire que je sois examiné par un médecin? Exclama M. Haliburton. Ce papier dit que je dois vous apporter un bulletin de mon médecin ordinaire. Il ne vous fera pas un mauvais rapport sur mon compte, car je ne l'ai pas souvent dérangé. Je crois que la plus grave maladie pour laquelle il m'était soigné a été un rhume. Tant mieux. Mais vous n'avez pas l'air très fort. Je ne le suis pas non plus. Je travaille trop. Je ne me repose pas assez. C'est précisément la pensée qui m'a conduit à me faire assurer pour l'amour de ma femme et de mes enfants, ajouta-t-il ingénument. Si j'espérais atteindre la vieillesse, je ne me ferais pas assurer. Le monsieur sourit. L'apparence trompe souvent. Quelquefois ceux qui ont l'air le plus délicat sont ceux qui vivent le plus longtemps. Vous ne pouvez pas dire que j'ai l'air délicat, répliqua M. Haliburton. Je n'ai pas dit cela. Vous pouvez ne pas être robuste sans pour cela être délicat. Il se peut que vous soyez en parfaite santé. Il parcourait des yeux M. Haliburton. Sa taille élancée, ses cheveux noirs, où l'on ne distinguait pas le moindre fil d'argent, ses traits fins et accentués, son teint frais comme celui d'une jeune fille. « Un bel homme, » murmura-t-il. « Il est donc nécessaire que j'aille voir votre médecin ?» demanda M. Haliburton. « Indispensable. Nous ne vous assurerions pas sans cela. » Il vient ici 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, mais les autres jours, on le trouve chez lui de 3 à 5 heures. C'est le docteur Carrington. Et nous sommes à vendredi, alors j'irai le voir. Il prit l'adresse, salua et partit. Quelle bêtise que cette visite à ce médecin, se disait-il, en se hâtant de retourner chez lui. Mais si c'est une règle générale, on ne fera pas exception en ma faveur. Dînant à la hâte, de façon à empêcher son dîner de lui faire du bien, ainsi que le lui assura Jane, il se mit à son bureau et écrivit au pasteur de sa paroisse pour obtenir son certificat de naissance. Pliant et cachetant sa lettre, il reprit son chapeau. « Iras-tu aujourd'hui chez ce médecin ?» lui demanda Jane. « Oui, si je puis renvoyer un de mes élèves. Le jeune Pellet a sa leçon à 4 heures, mais je puis la remettre à ce soir. » Il n'y avait aucune nécessité à ce qu'il allât le jour même faire cette visite, mais il tenait à s'en débarrasser, comme si la promptitude actuelle pouvait atténuer la négligence du passé. Le docteur Carrington était occupé quand M. Haliburton arriva chez lui. Il dut attendre avec plusieurs autres personnes. À la fin, son tour arriva, et il fut introduit en présence du docteur, petit homme vif, brusque, sec, la tête poudrée. S'il s'expliquait peu, ses questions étaient en revanche nombreuses et pressantes. Jamais M. Haliburton ne s'était vu serré de si près. Quelle maladie avait-il eue? Quels excès avait-il commis? Qu'avait-il fait? Et que n'avait-il pas fait? Quelles étaient ses habitudes, passées, présentes? À la fin, Vous sentez-vous fort, vigoureux, élastique ? La chaleur me rend languissant, répondit M. Halliburton. Avez-vous bon appétit ? Généralement, oui. Depuis quelque temps, cela va moins bien. Vous respirez facilement ? Oui. Quelquefois, j'ai un peu d'oppression. Toussez-vous ? Je n'ai pas de toux positive. Quelquefois, le soir, une espèce d'irritation, une toux sèche. Je l'attribue à la fatigue. Voulez-vous ouvrir votre chemise ? Ouvrir ma chemise ? Répéta M. Halliburton. Oui, déboutonnez-la. Et votre gilet de flanelle, si vous en portez un. M. Halliburton obéit. Le docteur tâta, écouta, ausculta. Mais son oreille apparemment ne lui suffisait plus, car il sortit d'un tiroir un petit instrument, le plaça sur la poitrine, y opposa son oreille, en changea 3 ou 4 fois la position. C'est cela, dit-il à la fin. Il soigna son instrument. M. Halliburton boutonna sa chemise. Pourquoi ne portez-vous pas de gilet de flanelle ? Demanda brusquement le docteur, la tête penchée sur son tiroir. J'en porte en hiver, mais je les quitte en été. Ce n'est que la semaine passée que j'ai déposé le mien. A-t-on vu jamais pareille folie ? S'écria le docteur. C'est à croire que les gens n'ont pas le sens commun. La moitié de mes malades me disent qu'ils quittent leur flanelle en été. Mais c'est en été précisément qu'elle est le plus nécessaire, et ces chaleurs ne dureront pas. Allez-vous-en tout de suite en mettre une, monsieur ? Je le ferai certainement, si vous le jugez prudent, dit M. Halliburton en souriant. Je vous remercie de votre conseil. Il prit son chapeau et attendit. J'ai compris au bureau que vous me donneriez un certificat constatant que vous m'aviez examiné, expliqua-t-il à la fin. Ah, mais je ne puis pas vous le donner, répondit le docteur. Pourquoi donc, monsieur ? Parce que je ne suis pas content de vous. Je ne puis pas vous recommander comme étant d'une bonne constitution. Le cœur de M. Halliburton battit plus vite. « Monsieur, je ne suis pas d'une bonne constitution. »« Pas assez robuste pour une assurance sur la vie. »« Comment ? Qu'est-ce que j'ai donc ?» Le docteur Carrington le regarde en pleine figure l'espace d'une minute avant de répondre. « La question que vous m'adressez m'a déjà été faite et je me suis vu dans l'obligation de garder le silence, ma réponse n'ayant pas toujours plu. »« Elle me plaira, monsieur, en tant que je désire savoir la vérité. Que trouvez-vous à me reprocher ? Vos poumons sont attaqués. » Un frisson passa sur M. Halliburton. « Pas dangereusement, monsieur, pas au-delà de la guérison. Si je vous répondais que non, je vous tromperais, et vous m'avez dit que vous vouliez savoir la vérité. Ils sont dangereusement attaqués. » Une pâleur mortelle couvrit la figure de M. Halliburton. Il se laissa tomber sur une chaise. « Ce n'est pas pour moi, » articula-t-il, comme le docteur Carrington se rapprochait de lui. « Mais si je meurs, ma femme et mes enfants n'auront pas de pain. » « Mais vous ne m'entendez pas ?» reprit le docteur, continuant comme s'il n'avait pas été interrompu. « Ils sont dangereusement attaqués. Je ne crois pas devoir vous donner grand espoir, mais cependant, tout n'est pas perdu si vous prenez les précautions voulues. »« Que dois-je faire ? Vous vivez, je suppose, dans cette atmosphère fumeuse, brumeuse, empoisonnée de Londres. »« Oui, alors partez-en au plus vite. » Allez vivre dans un air pur, dans une atmosphère salubre, c'est la chose essentielle, et cela non pas pour quelques semaines ou quelques mois, non pas pour changer d'air, comme on dit, mais pour toujours. Mais c'est impossible, monsieur. Toutes mes affaires m'en retiennent à Londres. Ah, fit le docteur, beaucoup de mes malades m'ont fait la même réponse. Mais je vous assure que vous devez quitter Londres. Vous me paraissez doué d'une de ces constitutions qui aurait dû ne jamais habiter la capitale. Vous n'y êtes pas né, ajouta-t-il brusquement. « Je n'y suis venu qu'à l'âge de 18 ans. J'étais élevé dans le Devonshire. »« C'est cela, j'en étais sûr. Ceux qui sont nés et élevés à Londres s'y acclimatent, généralement parlant, et n'en souffrent pas. Bien des étrangers aussi trouvent Londres aussi salubre qu'une autre ville. D'autres, au contraire, ne peuvent ni ne doivent y vivre, et je vous classe dans cette dernière catégorie. » Cet état de maladie dure-t-il depuis quelque temps ? Oui, depuis quelques années. Si vous étiez resté dans le Devonshire, vous auriez été fort et robuste toute votre vie. Le seul conseil que je puisse vous donner le voici, c'est Londres. Vous ne vivrez pas longtemps si vous continuez à y demeurer. M. Halliburton remercia le docteur et partit. Comme tout avait changé. Qu'était devenu la beauté du jour, le ciel bleu, le gai soleil ? Le ciel était encore bleu. Le soleil brillait toujours, mais un voile noir venait de s'étendre entre le monde et lui. Mourir ? Il frissonna en pensant à Jane, à ses enfants, et le désespoir s'empara de lui.